الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bon, déjà je m'excuse pour le retard. Et dû au retard, on va aller un peu vite. En fait, la dernière fois on avait pris pas mal de hadiths, on avait pris au moins 5. Et nous sommes toujours dans chapitre, quatrième chapitre du kitab, Hirs al-Islam ala salamat al-Muslim. Le soin qu'apporte l'islam à la prévenir le muslim des dangers qu'il encourt et des choses qui peuvent lui nuire, lui porter préjudice dans sa personne et autres. Et des fois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qu'on ne peut connaître que par le biais de la religion et de la révélation. Al-An yakul fil hadith al-thalith wa sab'in wa salith achar min had al-bab. Donc, 73e hadith qui est le 13e de ce chapitre. Bi'anwan al-nahi an al-bawl fi al-juhr. L'interdiction d'uriner dans un terrier. Ça veut dire le fait de voir. Ça, c'est quand les gens ils urinent dans la nature. Et qui vont voir un petit trou dans le sol ou comme un terrier, de ne pas uriner à cet endroit-là. Yaqul an Abdullah ibn Sajis an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an yubal fi al-juhr. Qalu li Qatada ma yukrahu min al-bawl fi al-juhr. قال كان يقال إنها مساكن الجن رواه أبو داود. Donc selon Abdullah ibn Sarjis, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans les terriers. Et le Qatada, qui était un tabi'i, a été interrogé. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est détestable dans le fait d'uriner en ces endroits-là? Il a dit, c'est parce que ce sont les demeures des djinns. Selon le djinn, ils habitent. Taïeb. Donc le hadith rapporté par Abdullah ibn Sarjas. Et l'auteur a dit très peu de choses sur lui. C'est un sahabi qui habitait à Basra. Et il dit qu'il est mort lors sous le gouvernat de Abdul Malik ibn Marwan. À l'an 80 et un peu plus de la Hijra. Takriban. C'est tout ce que l'auteur dit de lui à peu près. Donc un Johr, c'est traduit par un terrier, nous, en français. D'accord, un terrier. Après, souvent, terrier, on s'imagine forcément un truc un peu gros. Ça peut être petit, ça peut être gros, ça dépend de l'animal qui y pénètre. Ça peut être pour des insectes, ça peut être pour des mammifères, ça peut être des petits mammifères, ça peut être pour des reptiles également, serpents, des lézards et ce qui s'ensuit. Donc il est interdit d'uriner dans ces terriers. Yaqul fi sharh al-jimali, l'explication générale du hadith. يخبر الصحابي الجليل عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضى أو أن يقضي الإنسان حاجته بالبول في ثقوب الأرض لكونها تأوي إليها الحشرات والحيوانات والجن وقد يتضرر بذلك فلذلك نهى عنه فيقضي حاجته بعيدا عنها مجتنبا ما يكون للضرر عليه أو يفرع بخروجه فيعود البول عليه أو يفزع عفوا بخروجه فيعود البول عليه. Donc il a été interdit d'uriner dans ce genre d'endroit pour éviter que cela ne nuise aux musulmans, car ces lieux-là sont des lieux d'habitation des djinns et également ça peut être des lieux d'habitation de certains animaux. Donc malheureusement pour toi, si tu te mets à aller uriner là-dedans, cela peut se retourner contre toi. C'est-à-dire l'habitant de ce terrier peut sortir, et si jamais c'est un animal agressif, ou c'est un insecte venimeux ou autre, bah, tu ne seras pas trop en position de pouvoir courir ou faire quoi que ce soit, qui sont en train d'uriner, et cela peut te causer préjudice. Également, il y a un hadith qui est venu, qui dit qu'on n'urine pas dans une partie qui est dure du sol. Si jamais tu veux uriner dehors, il faut que tu prennes une partie qui soit un peu molle. Parce que la partie dure, ça, là, cela va amener à ce que l'urine t'éclabousse. Donc tu seras entaché de souillure, de najasa, d'impureté. Yaqul fawaid al-hadith an-nahi 'an al-bawl fi al-juhr sawa kana thaqaban nazilan fi al-ard aw mustatilan tahtaha. Donc il n'est pas permis d'uriner dans un terrier, dans un trou qui est dans le sol, quelle que soit sa forme ou autre. Et cela pour différentes raisons qu'on a citées auparavant, entre autres que c'est l'abri des djinns, ou également qu'il peut en surgir un animal quelconque, un animal qui puisse être venimeux, qui puisse être dangereux, et autres. Et aussi que cela peut être une cause, bon là il l'a cité mais je ne sais pas pourquoi, d'éclaboussures. Alors qu'éclaboussures normalement c'est sur un lieu qui est, un sol qui est dur. Donc entre autres, ne pas faire cela. Et aussi Mbab al-Fa'ida, dans ce qui concerne les djinns et autres, et j'ai lu une fatwa de Cheikh Ben Baz, je pense que beaucoup l'ont lu également, elle est connue. Je ne sais pas s'il se base sur un hadith, je ne m'en rappelle plus. De faire attention lorsqu'on verse de l'eau chaude dans les canalisations, dans l'évier ou ce qui s'ensuit, car ces canalisations sont également des lieux où les djinns peuvent habiter. Et en versant de l'eau chaude, brûlante, cela peut leur nuire. Donc il faut dire Bismillah. Et il dit, c'est un hadith. Non, moi je ne me rappelle pas qu'il y avait un dalil dans ce qu'il avait dit, mais apparemment c'est un fait. Et c'est une chose qui est mutawatira, qui est très répandue. Donc attention en versant de l'eau chaude, bouillante, dans la cuisine, dans l'évier, ce qui s'ensuit, d'après cette fatwa de Cheikh Ben Baz. Attention. Et dire Bismillah avant de le faire. Après, connaissant Cheikh Ben Baz, je pense que cette parole-là, il la base sur un fait ou un dalil, mais je ne me rappelle plus. طيب ثم نخوض الحديث الذي بعده وهو الرابع والسبعون ورب يعني الرابع والسبعون من هذا الكتاب والرابع عشر من هذا الفصل donc après c'est le 74e hadith qui est le 14e de ce chapitre كف السبيان عند دخول الليل وإغلاق الأبواب pour titre de retenir les enfants empêcher les enfants de sortir à la tombée de la nuit et de fermer les portes. Donc là, c'est surtout un enseignement par rapport là aux enfants. قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنجح الليل أو كان جنح الليل عفوا إذا استنجح j'ai mal lu استنجح الليل أو كان جنح الليل فكفوا سبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلقوا بابك ما كذا أغلقوا بابك وأغلق بابك واذكر اسم الله عليه وأطفي مصاحبك أو مصابحك مصابحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا ولو تعرض عليه شيئا متفق عليه donc selon Jabir رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit lorsque la nuit approche alors retenez vos enfants, c'est à dire ne laissez pas sortir, aussi amis sont dehors de les faire rentrer, car c'est l'heure à laquelle les shayatines se dispersent. Et lorsque un certain temps est passé, là il dit Sa'a, à la base Sa'a c'est une heure, mais là le sens voulu c'est pas une heure comme 24, 60 minutes comme on le connaît. C'est un temps, un petit temps. Que la nuit tombe et qu'on approche du Isha, alors à ce moment-là on peut le laisser. Il a dit ferme ta porte, verrouille ta porte et évoque le nom d'Allah Azawajal. Et éteins tes luminaires et évoque le nom d'Allah Azawajal. Et couvre tes récipients, bouchonne tes récipients et évoque le nom d'Allah Azawajal. Et tu les couvres quand bien même tu devrais poser un simple objet dessus. Muttafaqun alayh. Donc ça revenait à ce qu'on avait dans le dernier ders. Inch'Allah, tu arrives à en parler. Dans le fait de couvrir les récipients, ce qui s'ensuit. Et si on ne trouve rien, de mettre même un bâton. Et de dire Bismillah. Donc le sahabi concerné, là c'est Jabir, dont on a déjà évoqué la tarjama auparavant. Donc lorsque la nuit approche, là il vise le Maghreb. Waqt el Maghreb. À ce moment-là, que la nuit commence à apparaître, alors les enfants, il faut les faire rentrer à la maison, s'ils sont dehors. Et s'ils veulent sortir, ne pas les laisser sortir. Et la raison est dite dans le hadith, qui est l'heure où les shayatines se dispersent sur terre. Alors bien sûr, c'est lorsque les enfants ils sont seuls, mais par exemple, on dit que tu es dehors, toi, je ne sais pas, tu fais tes courses, tu es dans tes occupations, tu es dehors avec l'enfant. Si tu es avec l'enfant, j'ai entendu nos machias dire qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de laisser seul. Mais d'être dehors avec ton fils, avec ta fille, ou ce qui s'ensuit, là, ben, ça bise à l'éca. Et là, il faut laisser un certain temps passer. Il me semble avoir entendu Cheikh Yahya dire que c'est l'équivalent d'un quart d'heure, 20 minutes, à peu près. D'accord ? Takriban. Allah alam. Et quand la nuit est tombée, de fermer la porte. Tu la verrouilles. En disant Bismillah. D'éteindre les luminaires. Et là, il s'agit des luminaires à feu. C'est par exemple les lampes à pétrole ou les cheminées, les choses qui sont basées sur la lueur du feu. Et cite le nom d'Allah en le faisant. Comme dans le hadith qu'on a appris dans le dernier ders, couvre les récipients et ferme les bouteilles. Tu les bouchonnes. Et tu nommes le nom d'Allah Azawajal dessus. Et il a dit Walaw ta'rudu alayhi shay'an. Et que si jamais tu ne trouves rien, par exemple tu as une casserole et tu n'as pas de couvercle, tu ne le trouves pas, et bien pose quelque chose dessus. Ne serait-ce que un bâton. C'est-à-dire, bon, bâton, on n'a pas de bâton. Tu mets une palette, tu mets un objet qui arrive à se poser sur les deux flancs de la casserole, par exemple. Mais en général, on a des couvercles. Mais au cas où tu ne trouves pas un couvercle ou ce qui s'ensuit, pose quelque chose dessus. C'est le fait de prendre un sabab. Quelqu'un va dire, mais ça ne suffit pas. On va dire, le prophète l'a dit, donc fais-le. Et tazkour al-sabab, la cause pour laquelle on recouvre cela la nuit. Non. Ce qui était présent lors du dernier ders, que je n'ai pas encore mis en ligne, le hadith stipulait que dans l'année, il y a une nuit lors de laquelle descend Allah Azzawajal fait descendre une maladie. Et cette maladie s'infiltre dans les récipients qui restent ouverts la nuit. Donc c'est pour nous protéger. Là, c'est l'une des principales causes. Il y en a d'autres. D'accord ? Et cela, on ne peut le savoir que par le wahi. Peut-être des gens, ils ont été atteints de maladies ou de maux, ils ne savent même pas si c'était cette maladie-là. Ils cherchent, et c'était ça, en fait. Il y a des choses, des fois, voilà. Quand ça vient de la révélation, c'est comme ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsqu'il y a une mouche qui tombe dans le verre de l'un d'entre nous, de la plonger entièrement avant de boire. Car dans l'une des ailes, il y a un poison, et dans l'autre, il y a le remède, l'antidote. Et des chercheurs ont cherché, ils n'ont rien trouvé, donc ils démentent ce hadith. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Il n'y a même pas à discuter. D'accord ? Et ce hadith de base, il a été cité pourquoi ? Pour montrer que la mouche n'est pas une impureté. C'est-à-dire, si elle tombe dans ton verre, tu peux boire quand même. Le danger encouru, c'est le poison présent dans son aile. Et même si toi, tu ne trouves pas le poison dans son aile et que tu peux ramener les plus grands scientifiques qui n'ont pas trouvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, donc on n'a même pas à discuter. Et donc, il y a des mots comme ça, on ne connaît pas, c'est l'islam qui nous en informe. Une mouche, elle tombe, T'es pas obligé de boire, hein, c'est très pune et tout, une bouche berque, je veux pas boire, on peut comprendre. Mais on dit que tu veux boire. T'as soif, t'as que ça comme mot par exemple. Ne jette pas le verre d'eau à cause de la mouche. Et ne bois pas directement. Plonge la mouche à l'intérieur. De l'eau ou n'importe, hein, n'importe quelle boisson. Plonge la mouche à l'intérieur. Sors la mouche et bois ce que t'as à boire. Ah ben. Taïe. Donc là, on va lire le charh al-ijmali de ce hadith qui va, en réalité, qui va dire ce qu'on vient de dire à l'instant là. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات إلى أن يمنعوا أطفالهم من الخروج من المنزل أو البقاء خارج البيت عند أن يبدأ ظلام الليل. Donc là, le Nabi صلى الله عليه وسلم a indiqué aux pères et aux mères d'empêcher leurs enfants de sortir de la maison ou de les faire rentrer s'ils sont dehors lorsque la nuit apparaît. Donc c'est au Maghreb. لأنه وقت تنتشر فيه الجن والشياطين, car c'est l'heure dans laquelle se dispersent les djinns et les shayatines. Les shayatines, ça peut être des hommes comme des djinns. Des gens mauvais, c'est à ce moment-là que les gens qui veulent du mal se répandent sur terre. وَقَدْ تُصِيبْ لِكَسْرَتِهَا السِّبِيَنْ لِبُعْدِهِمْ وَغَفْلَتِهِمْ عَنَ الذِّكْرِ. Et il se peut que l'enfant soit atteint de leur mal, car ils sont très nombreux, et du fait que l'enfant est très inattentif. Par exemple, l'enfant ne fait pas les askars. Bah, d'ailleurs, beaucoup d'adultes ne les font pas. Faut se dire la vérité. Mais l'adulte, il a plus de force que l'enfant. Donc pareil, c'est des causes. Souvent les enfants se disent, les parents disent pourquoi est-ce que mon enfant il a ça, ça, ça. Peut-être parce que tu laisses dehors. À une heure il faut pas, et il se fait attraper, enfin attraper. Il est touché du mal des chéatines ou quoi, et après il a un mal occulte ou autre. Ou d'autres mots encore peut-être qui sont pas occultes. Donc l'islam est venu pour nous enseigner comment les protéger, une cause de protection. Et bien sûr, les enfants, ils font pas les askars, c'est connu. Il faut tout le temps être derrière eux pour leur dire fais le zikr, fais le zikr, fais le zikr. Et il les fait pas sinon. D'accord ? L'enfant, il pense qu'à jouer, c'est normal, c'est un enfant. Donc il faut être derrière. Et à ce moment-là, et même si on dit que ton enfant, mashallah, et t'es moi, faut que t'es un enfant qui est zaki, qui est intelligent, il sait, il fait le zikr, fais-le rentrer quand même. Parce que le mal des shayatines, c'est pas que dans les mal occultes, ça peut être autre chose. Fais-le rentrer quand même. قال وأذن بخروجهم بعد تلك الساعة إذا كان يأمن عليهم أيضا من الشياطين من شياطين الإنس ويكون معهم. Par contre, une fois que ce temps est passé, ce laps de temps est passé, alors il est permis de laisser sortir, mais sous surveillance. Si jamais tu les sens en sécurité, d'accord, c'est une permission. C'est pas dès que l'heure est passée, allez sort l'enfant. Non, il sort. Si tu sais que le loup il va sortir, il va jouer. C'est un lieu qui est sécurisé et que tu peux voir, parce que malgré tout, il y a d'autres dangers. Et il dit, par exemple, ça peut être les chiatines parmi les hommes. Des gens qui font des choses bizarres avec les enfants. Comme vous le savez, c'est très répandu. Donc si jamais l'enfant est sous surveillance, il est en sécurité, alors à ce moment-là, il est permis de le laisser ressortir s'il y a un besoin qu'il ressorte. Et également, si tu peux être en sa compagnie, c'est encore mieux. D'accord ? C'est encore mieux. ورشد إلى إغلاق الأبواب حفظاً للبيوت من دخول الشياطين واللصوص والحيوانات. Et il indiquait de fermer les portes à ce moment-là pour protéger les maisons de l'entrée des chayatines et des voleurs ou des animaux. Bon, des gens, généralement, ils vont dire en France, il n'y a pas d'animaux dans les rues. Mais il y a des voleurs. Et il y a plus de voleurs dans les rues de Paris que tu auras d'animaux dans certains pays sauvages. C'est une réalité. Et les chayatines, tu ne les vois pas pareil. Il y en a beaucoup des chayatines. Surtout dans le pays de Koufre, le pays où il n'y a pas la zen, il n'y a pas de rappel. C'est leur terrain de jeu. كما رشد إلى تغطية أواني الطعام والشراب صيانة لها من أوبئة والحشرات وأن الإنسان يطفئ السرج والمسابح وكل ما فيه نار أو نحوه. حتى لا يحصل الضرر. Donc également, il a indiqué de, comme on l'a dit la dernière fois, de recouvrir les récipients, ce qui contient des liquides, pour protéger justement le contenu des maladies. Quelles maladies? Celles qui descendent, on l'a expliqué, une nuit par an, ou d'autres, peut-être d'autres bactéries, d'autres faits, pour le protéger des insectes, car il y a des insectes qui peuvent rentrer et s'insérer dans ses contenus, et également d'éteindre les luminaires qui sont à base de feu. Pourquoi ? Ça, c'est quand tu vas dormir, pour ne pas que ce soit une cause d'incendie dans ta maison. Et il incitait à ce que la personne, en faisant cela, dise Bismillah, pour obtenir la baraka et rechercher de l'aide auprès d'Allah Azza wa Jal. يقول فوائد الحديث أن الشياطين تنتشر عند الغروب أكثر منه في غيره لأن حركتهم في الليل أمكن لهم من النهار. Donc les chayatin se dispersent à quel moment sortent le plus au moment du coucher du soleil, car c'est le moment où ils peuvent mieux agir que dans la journée. Il y en a tout le temps des chayatin, hein, nuit comme jour, jour comme nuit. Mais le moment où ils sont le plus actifs, c'est la nuit. ثانياً من الأطفال من البقاء خارج المنزل عند الغروب حتى لا تنالهم الشياطين بالسوء. Et qu'il faut empêcher les enfants de sortir ou les faire rentrer à cette heure-là afin qu'ils ne soient pas atteints du mal des شياطين. ثالثاً أن الشياطين تتسلط على الصبيان أكثر لقلة تحصنهم بالذكر. Et que les chayatines ont plus d'emprise sur les enfants du fait qu'ils ont, ils sont moins protégés par le rappel. Car les enfants ne font pas leur afkar. Rabi'an anna wala ba'sa bi khuruj as-sibyan ba'd dhahab tilka as-sa'a idha kana ya'man 'alayhim min ash-shayatin al-ins ma'a tira'ihi 'alayhim. Et qu'il n'y a pas de mal à laisser sortir par la suite, une fois que ce laps de temps est passé, si jamais ils voient qu'ils sont en sécurité des chayatines et qu'ils soient toujours sous sa surveillance, c'est-à-dire le père ou la mère de l'adulte, quoi. خامساً استرباب إغلاق الأبواب أو أبواب البيوت احتياطاً من اللصوص والفساق والمؤذيات وكل خطر يتوقع لأن ذلك يؤذي إلى إطمئنان النفس وارتياحها في نومها. Et qu'il est recommandé de fermer les maisons pour se protéger des voleurs, des pervers et autres, et tout ce qui puisse nuire. Tout danger que l'on craint. Et cela également apaise les cœurs lors du sommeil. Bien sûr, quelqu'un qui a sa maison qui ferme à double tour le soir dort mieux que celui qui a sa maison qui est accessible, évidemment. سادساً الأمر بإطفاء المصابيح عند النوم حتى لا يتسبب في إحراق البيت. Et qu'il faut éteindre les luminaires à base de feu avant de dormir. Afin d'éviter tout incendie dans la maison. سابعاً استرباب تغطية أوعية الطعام والشراب وسد الخزانات المياء ثوناً لها عن الحشرات والأوساخ وكل ما يؤذي ويستكثر. Et qu'il est recommandé de, comme on l'expliquait, de recouvrir tous les récipients, de bouchonner les bouteilles, ce qui s'ensuit, pour les protéger des bestioles et des saletés. Et autre. ثامناً الأمر برطب الأسقية وتغطية الآنية حماية لها من الشياطين والنجاسات والحشرات. Pareil. C'est ce qu'on vient de dire. Également, les chayatines peuvent rentrer dans les récipients. Les chayatines peuvent rentrer dans un récipient qui reste ouvert. Mais un récipient qui était fermé, sur lequel on a évoqué le nom d'Allah Azza wa Jal, ils ne peuvent rien faire. تاسعاً أن من لم يجد ما يغطي به الآنية فلا أقل من أن يدع على الإناء عودا مع قول بسم الله. Ceux qui ne trouvent rien pour couvrir ces récipients, le minimum qu'ils puissent faire, c'est mettre même un simple bâton et de dire بسم الله. عشرا أن ذكر بسم الله يحول بين الشياطين وبين فعل هذه الأشياء فمن لم يذكر بسم الله مكنه منها. Et le fait d'évoquer le nom d'Allah Azzawajal pour la personne, c'est pour la protéger justement de bien des mots, et que celui qui fait cela sans dire Bismillah est exposé malgré tout. طيب, donc mille biad al-hadith al-Salis, qui est le 75e du kitab et 15e du chapitre. Tathir al-fam bi-siwak, se purifier la bouche avec le siwak. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضة للرب. رواه أحمد. que عائشة a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit que le siwak est une purification de la bouche et une satisfaction du céliaque. Donc on y voit deux faïdas qui sont l'hygiène et également l'adoration. L'hygiène et l'adoration. Car beaucoup de gens se lavent la bouche. Brossent à dents, ils prennent des chewing-gums, ils prennent des fils là pour des cure-dents, ce que s'en suit. La bouche, généralement, les gens se la lavent. Mais nous, on a une faïda en plus que les autres n'ont pas. C'est qu'avec le siwak, c'est une chose qu'Allah aime, donc c'est une adoration. Donc c'est un acte qui malheureusement est très négligé et qui pourtant est léger et facile à faire et qui apporte beaucoup de récompenses. Après, les ulémas, ils ont divergé par rapport au siwak. Il n'y a pas longtemps, Shayaha est interrogé, est-ce que la brosse à dents fait office de siwak? Il a dit, la brosse à dents, c'est un siwak. Ça rentre dedans. Mais est-ce que cela, cet avis-là, il est... Parce que, par exemple, quand tu prends le siwak avant la salade, tu s'appelles brosse à dents. Tu sors le siwak. Il y a des ulémas, ils disent que le fait de le siwak, c'est le fait de se... Même tu as un chiffon ou un bout de ton vêtement, tu te frottes les dents avec. Tu t'appelles siwak. Donc tout ce qui amène à purifier la bouche, ça, t'as vraiment voit que ça rend dans le hukm du siwak. Et d'autres disent non. C'est le harak, le harak, c'est le bâton là qu'on utilise pour le siwak en lui-même. Wallahu ta'ala alam. Après, on a kul inamal amal binyat. D'accord, les actes ne valent que par l'intention, donc quelqu'un peut avoir autre chose qu'un siwak, l'utiliser pour se purifier la bouche et pour obtenir l'agrément d'Allah Azzawajal. Mais je penche plus moi pour le siwak du bâton, parce que après ce que l'auteur va citer comme favorit, on ne trouve pas dans notre dentifrice avec dans la brosse à dents. Et puis généralement tu balances pas avec une brosse à dents sur toi. Ça c'est voilà quoi. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Donc il dit, ah oui, mas'ala, le siwak, est-ce qu'on le fait de la main droite ou de la main gauche? Qu'il y a une différence dans l'emploi de la main droite et de la main gauche. Qalat Aisha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب التيمم في تناوله وترجله وتطهره وفي شأنه كله. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il aimait commencer par la droite dans toute chose, faire par la droite. Dans, lorsqu'il enfile ses ni'al, ses chaussures, lorsqu'il se coiffe, lorsqu'il se purifie. Même le roseau commence par la main droite. Ainsi de suite. Lorsqu'on a quelque chose, on le tend, on l'occupère, c'est par la main droite. Et l'istinja se fait de quelle main? La main gauche. Donc les ulama disent que la main droite, c'est pour tout ce qui est purificateur. Pour tout ce qui est acte, on va dire, quotidien. Et tout ce qui est fait pour le nettoyage en soi et retirer des choses sales ou autres, c'est avec la main gauche. Vous voyez? Donc le siwak, il fait les deux. C'est un acte d'adoration, c'est un acte de purification, mais également, c'est un acte d'hygiène. Vous voyez, tu te brosses les dents avec, tu te nettoies la bouche avec quand tu as mangé, donc tu enlèves également des saletés, ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça que c'est large. Tu fais la main droite, tu fais la main droite. Tu fais la main gauche, tu fais la main gauche. D'accord? Tu peux faire avec les deux. Donc maintenant, il cita des fawaïd que cita Ibn Qayyim dans l'utilisation du siwak. Donc en premier lieu, ça donne bonne haleine. C'est pour ça qu'il est conseillé même, malgré tout, qu'il est permis aux jeûneurs à Fouen de l'utiliser. En début comme en fin de journée. Bien que Allah Azawajal préfère la laine du jeûneur même au parfum, cela n'empêche pas d'utiliser le siwak. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait tout un siwak avec lui. Même dès qu'il se réveillait, il avait un siwak pour se frotter la bouche, car au réveil, on sait que la laine qu'on a, elle n'est pas très fraîche. Ainsi de suite. Avant de rentrer chez lui, il se frottait avec le siwak, parce qu'il embrassait ses épouses quand il rentrait. D'accord? Donc, c'est pour une bonne haleine. Également, il dit que cela renforce les gencives. Cela empêche yaktor al-balram. Ça empêche d'avoir des glaires. Ou yajlou al-basar. Que ça renforce la vue. Ça éclaircit la vue. Ou yazhabu bil-hafar. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Yusih al-ma'ida. Que cela également assouplit les intestins. Ou yusofi al-saout. Apparemment, ça éclaircit la voix. Ou yu'inu wa la hadm al-ta'am. Ça aide à digérer. Ou yusahiru majari al-kalam. Donc là, je pense qu'il parle que cela assouplit les cordes vocales. Je ne sais pas. Majari al-kalam. Majari, c'est. Ou le kalam, c'est la parole. Et je pense qu'il parle des cordes vocales. Allah alam. Yunashitu lil-kira'a. Et cela te dynamise pour lire le Coran. C'était connu qu'avant de lire le Coran également, tu fais du siwak. Wa al-dhikr wa al-salat. Ça veut dire avant le dhikr, avant la salat. Wa yatrudu al-nawm. Cela t'empêche de. Dissipe le sommeil. Quand tu es somnolent, ainsi de suite, le siwak se réveille. Wa yurdi al-rabb. Et ça apporte l'agrément du Rahman. Wa yurdibu al-malaika. Et que cela plaît aux anges. Car l'ange se rapproche de toi quand tu lis le Coran. Ils aiment les bonnes odeurs. Jusqu'à ce qu'il pose sa bouche sur la tienne pendant que tu lis le Coran. Wa yuksuru al-hasanat. Et que cela te donne des hasanat. Ça, c'est un kalam d'Ibn Qayyim. Donc, on va dire, est-ce qu'on peut comparer cela avec la brosse à dents? Mais non. C'est pour cela qu'en réalité, le bâton de siwak paraît comme étant plus walkul rajih. Que c'est ce bâton de siwak que l'on connaît, hein, de ce bâton du harak qui est qu'on appelle vraiment le siwak.